Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. Le président de l'association des étudiants de l'école normale supérieure NS dit que la nouvelle représentation des étudiants mise en place alors que les autres étaient en grève est illégale. Et Pipo de Nyungabu demande qu'au lieu de les diviser, il faut trouver des solutions à leurs problèmes. Et les champs de culture des vallées des rivières Murembwe et Dama ont été détruits par les inondations. Leurs propriétaires sont désemparés. Et 87 Burundais vivant au Rwanda ont été refoulés ce vendredi sur la frontière à Kirundo. La police burundaise confirme cette information, mais ne donne pas les raisons de ce refoulement. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de l'association des étudiants de l'école normale supérieure s'insurge contre la mise en place d'une nouvelle représentation. Pipo de Nyungabu dit que le mieux serait de plaider pour la révision du nouveau décret instituant la pré-bourse. Il précisait que les étudiants avaient tant demandé le dialogue, mais en vain, raison pour laquelle ils ont opté pour l'arrêt des activités afin d'être entendus. Suivez plutôt Pipo de Nyungabu, président de l'association des étudiants de l'ENS, au téléphone avec Alain Désiré Bukéenèse. Pour nous, comme représentants des étudiants, regroupant les étudiants de l'école supérieure au sein de la CFED de Imboneza, nous voulons réagir aussi à cette nouvelle représentation mise en place par la direction générale de l'école supérieure afin de continuer à manipuler un certain nombre des étudiants pour parvenir à leur profit. Cette nouvelle représentation ne vient pas pour répondre aux doléances des étudiants de l'économie supérieure. Demande la suppression du décret présidentiel numéro 128 du 1er février 2017 portant à l'organisation du système d'audition et d'audition de la bourse et de stage. Les étudiants de l'économie supérieure ont préféré suspendre les activités académiques compte tenu du manque d'une équipe favorable à notre doléance hostilité. Cette nouvelle représentation plaide à ce que vous soumettez vos doléances en vacant aux activités. Qu'en est-il pour vous? Pour nous aussi, nous avons préféré dialoguer avec les institutions habilitées depuis l'octobre 2016, mais ce dialogue ne nous est pas parvenu dès la fin du préavis. Mais finalement, selon vous, comment la question peut être résolue? La question pourrait être résolue par une seule voie, qui est la suppression du décret, afin que nous puissions retourner aux activités académiques. Je pense que cela va être fait par le gouvernement du Burundi, car c'est notre para. Ce que nous souhaitons, c'est que notre para, nous espérons qu'il va le faire. C'est Pipo de Nyungabu, il est président de l'association des étudiants de l'école normale supérieure. Précisons que cela fait aussi le troisième jour que les étudiants de l'université du Burundi sont en grève pour les mêmes raisons. Je venais de vous le dire, 87 Burundais vivant au Rwanda ont été refoulés ce vendredi sur la frontière à Kirundo. La police burundaise confirme cette information et finalement, elle indique que ces 87 Burundais étaient des irréguliers au Rwanda. Le prix du ticket de déplacement à moto a passé de 300 à 500 francs burundais selon la destination dans la ville de Gitega. À l'origine, la pénurie du carburant de type essence. Cependant, au parc pétrolier de Gitega, ils font savoir que le carburant ne manque pas et demandent plutôt aux propriétaires de stations-service de s'y approvisionner. Les détails avec Arthur Kavabushi. Cette pénurie de carburant de type essence qui s'observe ces derniers jours sur les stations de la ville de Gitega est à l'origine de la hausse du prix du ticket de transport sur moto d'une somme oscillant entre 300 et 500 francs bout sur le prix habituel et selon la destination. Les taxis motards font savoir qu'il leur est difficile de passer du temps sur les longues files de véhicules et motos qui s'observent souvent sur la station qui est en train de servir et ils sont obligés d'aller l'acheter au marché noir à 4 000 francs le litre. Une autre chose qui étonne ces taxis motards, C'est la façon dont se sert le carburant dans la ville de Gitega, où on dirait que les stations se relaient pour le servir, et ce, en moins de 2 heures après, les propriétaires de ces stations disent qu'ils n'en ont plus. Cependant, même si la situation est comme telle, au parc pétrolier se trouvant sur la colline de Sangoma de la ville de Gitega, ils indiquent que le carburant ne manque pas et qu'ils servent celui qui vient tout en demandant aux propriétaires des stations de la ville de Gitega qui s'y approvisionnent d'aller faire le chargement et le servir à ceux qui le cherchent. Certains propriétaires de stations de la ville de Gitega contactés à ce propos disent qu'ils craignent une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe et que c'est la raison pour laquelle ils ne se précipitent pas pour aller le charger de peur de tomber en faillite. Sachez que ce samedi, le carburant n'est trouvable que sur des stations sur 7 se trouvant dans la ville de Gitega et que les longues files s'observent toujours. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Arthur Kavabushi. On observe également une pénurie de carburant depuis 3 jours au chef-lieu de la province Chibitoke. Les usagers de véhicules et de motos déplorent la hausse du prix de tickets de transport qui va jusqu'à 1000 francs burundais. Le prix d'un litre d'essence a été revu à la hausse jusqu'à 3500 francs burundais sur le marché noir. Ces usagers demandent au pouvoir public de trouver une solution à cette pénurie. Les champs de culture des vallées des rivières Murembwe et Dama dans la commune et province Rumonge sont engloutis par les eaux des crues de ces rivières depuis ce jeudi. Les agriculteurs qui espéraient de bonnes récoltes pour la saison culturelle B sont désemparés et demandent d'être assistés. Les détails, c'est dans ce reportage signé Jean-Pierre Misago. Kuba wewe wararimye ukarimuzi kuzokwimbura ugasanga nikiyaya camazi ngorane gusa. Telles sont les lamentations des cultivateurs des vallées de la Murembwe et Dama rencontrés. Selon leur dire, ils redoutent déjà la famine. Les cultures de manioc, patates douces, riz, colocase, haricots, maïs, aubergines, tomates sont en effet sous eau. Alors que les récoltes pour la saison culturelle A avaient été mauvaises suite à une longue période d'ensoleillement et après avoir investi de gros moyens financiers, puisque la saison culturelle B donnait espoir. Les cultivateurs demandent assistance pour Abel Ndayishimiye, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge. Les lamentations de ces cultivateurs et ceux d'autres zones de cette province sont fondées. Il appelle tout de même à la prévention. Maintenant, les agriculteurs sont dans une désolation totale. Ils nécessitent une assistance tout à fait particulière. Tenant compte de ce changement climatique qui est tout à fait une question pertinente au monde entier. Mais bien sûr, il faut au moins faire la prévention tout en répondant massivement aux activités communautaires de traçage des courbes de niveau et de plantation des arbres agroforestiers et forestiers. D'autres crues qui ne s'étaient pas manifestées depuis le début de la saison pluvieuse en cours au Burundi ont été occasionnées par de grosses pluies tombées la nuit de mercredi à jeudi et toute la journée de jeudi de cette semaine qui touche à sa fin. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. 304 cas de violence basée sur le genre se sont observés dans la province de Chibitoke dans une période de 3 mois. Le Centre de développement familial CDF et le Centre Seruka ont répertorié 47 cas de violence sexuelle, 95 cas de violence économique et sociale et 112 cas de violence psychologique et 48 cas de violence physique. La commune de Rugombo reste la plus touchée par les violences basées sur le genre. Les représentants des centres CDF et Seruka demandent aux autorités publiques de s'investir pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité ce vendredi 31 mars une réduction du nombre de militaires et de policiers de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En Somalie, le président Trump a étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes contre les insurgés islamiques El-Shabaab sans autorisation préalable de Washington. En Gambie, une association pour les victimes de la dictature de l'ancien président Yahya Jammeh vient d'être créée à Banjul. Il souhaite aujourd'hui mettre la pression sur le nouveau gouvernement d'Adama Barrow pour obtenir justice. Aubin Nyonguru pour les détails. Leur réunion de présentation a eu lieu ce jeudi 30 mars. Le comité pour les victimes des atrocités de Yahya Jammeh regroupe des proches ayant perdu les leurs. Ils sont une cinquantaine à réclamer justice. Ils ont rédigé une liste de 12 demandes qu'ils souhaitent remettre au nouveau gouvernement. L'association attend beaucoup des premiers procès contre les proches de Yahya Jammeh qui devraient bientôt s'ouvrir. En RDC, l'ONU a renouvelé le mandat de la MONUSCO et modifie le plafond des effectifs. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été votée à l'unanimité ce vendredi 31 mars. Elle vise en fait une réduction du nombre de militaires et policiers de la force de maintien de la paix en RDC. Au terme de cette décision qui reconduit la MONUSCO pour une année supplémentaire, les effectifs de cette force passent de 19 000 à 16 000. En Somalie, le président Donald Trump a étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes en Somalie contre les insurgés islamistes El-Shabaab. Jusqu'à présent, la règle imposée par Barack Obama en 2013 pour des opérations hors des zones de guerre réclame que les militaires demandent l'autorisation à Washington avant chaque frappe, ce qui, à leurs yeux, freine l'efficacité des opérations. La nouvelle politique autorise en effet le commandement local à cibler de simples suspects et à passer outre le risque de victimes collatérales. Merci à Aubin Yonghuru. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le président de l'Association des étudiants de l'École normale supérieure NS dit que la nouvelle représentation des étudiants mise en place alors que les autres sont en grève est illégale. Et Pipo de Nyongabo demande aux colliers de les diviser. Il faut trouver des solutions à leurs problèmes. Et les champs de culture des vallées des rivières Murembe et Dama ont été détruits par des inondations. Leurs propriétaires sont désemparés. 87 Burundais vivant au Rwanda ont été refoulés ce vendredi sur la frontière à Kirundo. La police indique que les personnes refoulées étaient des irréguliers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, je vous annonce que après ce journal, vous allez suivre la revue de la presse. Joseph Sabiyabandi. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Le journal Iwachu revient sur le bras de fer engagé entre pouvoir public et étudiants. Tout part du décret présidentiel du 1er février portant réorganisation du système de gestion des bourses et des stages qui accorde le prix bourse aux lauréats des humanités générales, pédagogiques et techniques qui ont réussi à l'examen d'État et qui remplissent les conditions. Alors que la ministre de l'Éducation nationale dit que le système de gratuité de la bourse d'études ne peut pas perdurer, les étudiants menacent d'entamer un mouvement de grève le 5 avril si le décret n'est pas abrogé. Et là, ils persistent et signent. Nous sommes prêts au sacrifice, disent-ils. Nous allons continuer notre lutte jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Entre-temps, poursuit Iwachu, certains des étudiants signataires du préavis de grève sont arrêtés et emprisonnés. Le journal La Voix de l'enseignant parlait de son côté de l'épée de Damoclès comme étant au-dessus des contestataires du système de pré-bourse. Il écrit que la machine de répression des étudiants qui ont signé le préavis de grève pour contester le décret est en marche. Le directeur adjoint de la régie des œuvres universitaires chargé de la sécurité a lancé une convocation aux étudiants qui ont apposé la signature sur ce document. Parallèlement à cette convocation, considérée comme une intimidation par les étudiants, la campagne de diviser ces étudiants est en train d'être menée. L'objectif est clair, la suppression progressive de la bourse. La voix de l'enseignant parle également des hymnes qui ne font qu'encombrer les activités des élèves. Depuis l'acquisition de l'indépendance nationale du Burundi, écrit-il, les élèves et les écoliers chantaient l'hymne national. Il s'est ajouté, selon notre confrère, celle de l'unité nationale, de l'école pour certains, de l'école fondamentale. Et aujourd'hui, il y a une cinquième, celle de la communauté est-africaine. Pour certaines écoles, ces chants durent une vingtaine de minutes. Revue de la presse. Les évêques catholiques du Burundi et du Rwanda appellent à l'amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays voisins. Une dépêche de l'agence en ligne Net Presse se penche sur l'assemblée plénière qui a eu lieu à Gitega du 20 au 23 mars dernier. Ces religieux catholiques se disent préoccupés par la dégradation des relations diplomatiques des deux pays. Ils font également part de la préoccupation de deux peuples qui sont toujours impatients de voir les relations politiques se rétablir en vue de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Le traitement des eaux usées est une impérieuse nécessité. Elle devrait être considérée comme une opportunité et non un défi. Le journal Burundi Echo insiste en tout cas pour la capitale Bujumbura. Citant le directeur de gestion intégrée des ressources en eau, notre confrère appelle la population à les traiter, les recycler et les trier afin de les utiliser pour d'autres fins et d'ajouter qu'on distingue les eaux usées domestiques, celles industrielles ainsi que les eaux pluviales qui sont déversées dans les rivières qui longent la capitale Bujumbura et dans le lac Tanganyika. Encore en cours, Burundi Echo, plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières, les lacs ou les mers sans aucun traitement. 1,8 milliard de personnes dans le monde utilisent une source d'eau potable contaminée. L'agence burundaise de presse écrit sur trois ressortissants rwandais et un burundais condamnés à 15 ans de prison par le tribunal de grande instance à Muyinga. L'affaire a eu lieu jeudi. Ils étaient accusés d'importation de stupéfiants en bande organisée. Le tribunal a en outre décidé la destruction en déant une semaine de la quantité de chanvres saisies sous la supervision du procureur de la République. La prostitution et la polygamie sont une source d'insécurité dans certaines localités de la province de Bubanza, à l'ouest du pays. L'agence burundaise de presse revient ici sur une réunion de sécurité qui a été tenue mardi. Des participants ont évoqué des cas de filles mineures qui cherchent des cartes d'identité frauduleusement afin qu'elles soient traitées comme majeures en cas de prostitution. Les administrateurs communaux de Bubanza et Musigati disent que ceux qui veulent s'adonner à la polygamie préfèrent se déplacer vers d'autres provinces comme Muramza, Chibitoke et autres. Le gouverneur provincial de Bubanza demande aux administratifs d'éviter de livrer des cartes d'identité aux jeunes filles en l'absence de leurs parents. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Au micro, vous étiez avec Léon Sebitalio. Excellent week-end chez vous. À la prochaine. Revue de la presse.